suis en retard, c'est qu'on ne m'attendait pas. Du premier jour au dernier jour, on ne m'attendait pas. Si je suis en retard, c'est que vieillir moi je veux pas. Pourquoi je devrais grandir, on ne m'attendait pas. Je suis un saltimbanque qui n'amuse que moi. Hier je te faisais rire, demain tu m'oublieras. Demain tu m'oublieras. Demain tu m'oublieras. Demain tu m'oublieras. Demain tu m'oublieras. Ni aigri, ni blasé dans ce monde insensé qui va trop vite pour moi. J'aimerai juste qu'on m'aime pour ce que je suis, mais pas pour ce qu'on aimerait que je sois. Demain tu m'oublieras. Demain tu m'oublieras. Demain tu m'oublieras. Demain tu m'oublieras. Ni écrit, ni blasé dans ce monde insensé qui va trop vite pour moi. J'aimerais juste qu'on m'aime pour ce que je suis et pas pour ce qu'on aimerait que je sois. Demain tu m'oublieras. Demain tu m'oublieras. Demain tu m'oublieras. Demain tu m'oublieras. Demain tu m'oublieras. Demain tu m'oublieras. Demain tu m'oublieras. Demain tu m'oublieras. Demain tu m'oublieras. Demain tu m'oublieras. Demain tu m'oublieras. Demain tu m'oublieras. Si je suis en retard, qu'on m'attendait pas. En retard, c'est qu'on ne m'attendait pas. Du premier jour au dernier jour, on ne m'attendait pas. Je suis en retard, c'est que vieillir moi je veux pas. Pourquoi je devrais grandir, on ne m'attendait pas. Je suis un saltimbanque qui n'amuse que moi. Hier je te faisais rire, demain tu m'oublieras. Demain tu m'oublieras. Demain tu m'oublieras. Demain tu m'oublieras. Demain